L'homme de l'atoll par José Moselli. Il pouvait être 4 heures de l'après-midi. Sur la mer luisante et plate comme une nappe de mercure, le schooner Harry, ses voiles amenées, glissait lentement, sans un ressaut, vers la passe étroite faisant communiquer avec le large le lagon du petit atoll dressé comme un bouquet de verdure au milieu du Pacifique. Mathias Larsen, skipper, capitaine de Larry, avait pris la barre. Depuis 30 ans qu'il y naviguait, il connaissait parfaitement le moindre îlot des mers du Sud. Dans les passages délicats ou dangereux, il ne se fiait à personne, fût-ce meilleur pilote kanak, pour guider son navire. À l'avant, l'unique officier de Larry, Gustav Larsen, jeune homme de 20 ans, le propre fils du skipper, se tenait debout auprès du guindeau, prêt à mouiller au commandement. Car les passes des atolls sont traîtresses. Elles ne sont jamais pareilles. Le corail, animal ou plante, pousse, bâtit, monte sans arrêt. Il y a bien les courants, les marées, les cyclones qui le balayent, qui l'effritent. Mais les courants sont changeants. Les cyclones irréguliers. Les marées de force inégale. À la vérité, les plus récentes cartes assuraient que le chenal de Ramirez était absolument sain. Une passe encore, flanquée de rivages à pic, sans aucun obstacle. Mais Mathias Larsen ne se fiait pas aux cartes. Et puis, il avait à son bord un oiseau de malheur, c'était lui qui le disait, un détective, Jack Cavendish, qu'il avait été réquisitionné de transporter jusqu'à Ramirez et qui se tenait présentement assis sur le panneau de la cale, indifférent au féerique spectacle de l'atoll. Le schooner, poussé à la fois par le courant et par son diesel, s'engagea dans l'étroit passage et en quelques instants se trouva dans l'eau calme du lagon. Tout autour de la minuscule nappe d'eau, qui devait mesurer moins de 100 mètres sur 200, les cocotiers aux troncs tordus contournés par le vent de mer cachaient le rivage poussant jusque dans l'eau. Aucune trace d'être humain. L'atoll paraissait entièrement désert. Larry, qui avait stoppé son moteur, n'avançait plus que par la vitesse acquise. Lorsqu'il eut atteint le milieu du lagon, il fut presque immobile. Mathias Larsen fit mouiller l'ancre. Dans le silence ambiant, le choc de la lourde masse de fer contre l'eau calme et le galop de la chaîne dans l'écubier résonnèrent étrangement. « Fini pour le moteur !» grommela Larsen en lâchant la barre. Il essuya de sa lourde main ornée d'un grappin symbolique, tatoué entre le pouce et l'index, son front moite de sueur, et s'adressant au mécanicien, un gros Marseillais appelé Touloupe, échoué à bord de la rie à la suite d'aventures inconnues et qui venait de surgir de l'écoutille du moteur, maugréa. « Harry et Frenchy, on va boire un petit whisky. On l'a bien gagné, hein ?»« I think so », assura Marius Touloupe avec un accent inimitable. Quelques instants plus tard, Mathias et Gustav Larsen, le père et le fils, Marius Touloupe et Jack Cavendish, le passager détective, furent attablés à l'arrière autour d'une garoulette d'eau fraîche et d'une bouteille de vieux whisky à l'abri de la petite tente de la dunette. « Alors ?» demanda Mathias Larsen, en versant l'alcool dans les verres épais disposés devant lui. « Vous descendez tout de suite à terre, Monsieur Cavendish ?»« Oui, capitaine. Le plus tôt j'aurai réglé cette affaire sera le mieux. » fit brièvement l'interpellé, petit homme sec, dont le visage rasé un peu jaune sous le hâle indiquait que quelques gouttes de sang chinois roulaient dans ses veines. « Comme vous voudrez, » ricana Mathias Larsen. « Mais dites donc, vous n'avez pas peur. Si votre docteur est ici, hein? Dans 1 heure et demie, ce sera nuit noire. Et les cocotiers n'ont pas d'oreilles. » Jack Cavendish pinça ses lèvres minces. « Ceci me regarde, capitaine, » dit-il plutôt sèchement. « Si le docteur est dans l'atoll, je le démasquerai. » Et conformément à la réquisition que vous avez reçue, je vous inviterai à me donner 2 de vos hommes pour que force reste à la loi. Bon, je vous les donnerai. Ah, si on m'avait dit que moi, Mathias Larsen, je ferais le constable, je ne l'aurais pas cru. Je croyais avoir fait tous les métiers dans ma chaîne de vie, je m'étais trompé. Allons, à la nôtre, de santé, et à la vôtre, surtout, inspecteur. Les verres furent choqués, non sans que Jack Cavendish fut marqué par une grimace combien il croyait peu à la sincérité du toast de Larsen. Pendant les 4 jours qu'avait duré la traversée du schooner depuis le départ de Stuva, il n'eut pas de sarcasme que son skipper n'avait décoché au détective. Toutes les occasions lui avaient été bonnes. Pourtant, Jack Cavendish, homme taciturne s'il en fut, avait évité soigneusement tout prétexte à discussion. Au repas qu'il partageait avec Mathias Larsen et son fils, Jack Cavendish parlait peu, répondait par monosyllabes et, sitôt le café avalé, s'en allait à l'avant, près du guindeau, sa place favorite, où il demeurait immobile pendant des heures à méditer ou à consulter un certain petit carnet rouge où il prenait ses notes. Le détective était ce que l'on appelle l'homme du devoir. Il considérait sa fonction comme un véritable sacerdoce. Présentement, il était à la poursuite du docteur Dan Richardson, un médecin américain établi à Suva depuis une quinzaine d'années, et qui était accusé d'avoir empoisonné le riche chinois A Fu, négociant en nacre et en perles, à qui il fournissait de l'opium au moyen d'ordonnances de complaisance. Le docteur Richardson, c'était de notoriété publique, jouait gros jeu à son club. Et pendant les quelques jours ayant précédé la mort du chinois, il avait éprouvé de fortes pertes. Aussi l'accusation prétendait-elle que le médecin avait assassiné A Fu pour ne pas restituer les fortes sommes que le chinois lui avait avancées. Qu'y avait-il de vrai en tout cela? Les avis étaient partagés à Suva. Mais une chose était certaine, c'était que le docteur Richardson était venu à 5 heures de l'après-midi au bungalow habité par A Fu, avec qui il avait pris le thé, et que quelques minutes après le départ du médecin, le boy du négociant asiatique avait trouvé son maître étendu, raide mort, dans sa chambre à coucher. L'autopsie du chinois avait révélé qu'il était mort de l'absorption d'une dose de digitaline, un des poisons les plus terribles qui soient, un poison que seuls les pharmaciens et les médecins peuvent se procurer. L'enquête avait démontré l'innocence des 4 pharmaciens de Suva. Quant au docteur, qui avait su par une indiscrétion les résultats accablants de l'autopsie, il avait disparu. L'on croyait qu'il s'était caché à bord d'une goélette en partance, la Tetiora. Mais le capitaine de ce petit navire, à son arrivée à Fakarawa, quelques semaines plus tard, avait facilement pu faire constater que le médecin n'était pas, ni n'avait jamais été à son bord. Et les semaines avaient passé. Finalement, Jack Cavendish, après une fastidieuse et minutieuse enquête, avait pu apprendre que le fugitif s'était réfugié dans l'atoll Ramirez, un des îlots de l'archipel des Hélices, où il était l'hôte d'un de ses anciens amis, le trader suisse Mathieu Cournel, qu'il avait soigné à Suva quelques années auparavant et qu'il avait sauvé de la mort. Et ainsi, muni d'un varan en règle de la tournée de Suva, Jack Cavendish s'était embarqué sur Larry, avec la mission de s'assurer si le docteur était bien à Ramirez et dans l'affirmative de l'arrêter et de le ramener à Suva. Le capitaine Mathias Larsen avait élument réquisitionné de prêter main forte au détective pour l'arrestation de l'inculpé, qu'il devait ensuite enfermer en lieu sûr à bord de son navire et ramener aux Fidji, toute chose qui ne lui plaisait qu'à demi, d'où ses sarcasmes au détective. Ayant de nouveau rempli les verres, le capitaine Larsen conclut « Je vais vous donner 2 hommes pour vous conduire à terre, Mr. Cavendish. Taclow et Namori sont des gaillards. Si votre docteur veut faire le malin, ils le trousseront comme une dinde de Noël, et tâchez d'être de retour avant la nuit. » Dans les atolls, avec ces canaques, on ne sait jamais. À la vôtre et à la santé de votre docteur, en attendant de le voir pendu. Mathias Larsen leva son verre, ses voisins l'imitèrent. Jack Cavendish mouilla à peine ses lèvres avant de reposer le sien, puis, s'étant incliné devant les 3 hommes, il se dirigea vers la coupée du petit navire, d'où pendait une étroite échelle de bois et de cordes. Mathias Larsen siffla. Il lança quelques ordres, et peu d'instants plus tard, la pinasse du schooner, un canot d'environ 4 mètres de longueur, vint se ranger sur l'échelle. Jack Cavendish y descendit aussitôt et s'assit à l'arrière. Les 2 canaques, ayant largué l'amarre de coco qui retenait l'embarcation à Larry, empoignèrent leurs avirons, sur lesquels ils tirèrent avec vigueur. En peu d'instants, la pinasse, glissant rapidement sur l'eau calme du lagon, eut atteint un petit appontement fait de quelques pieux enfoncés dans l'eau, sur lesquels reposaient d'épaisses planches. Jack Cavendish, ayant ordonné au canac de l'attendre, y grimpa, puis, à pas rapide, traversa l'étroite plage de sable blanc aux reflets verdâtres qui étincelait comme du sel sous les rayons du soleil. En quelques foulées, il eut atteint la forêt de cocotiers et de pandanus qui couvrait presque entièrement l'anneau de corail et sous laquelle il s'engagea. Ainsi que de coutume, l'habitation du trader ne devait pas être loin de l'appontement où se faisait son trafic. Entre les arbres, Jack Cavendish distingua plusieurs larges pirogues à balanciers qui avaient été tirées là à l'abri du soleil, mais aucun être vivant. Le détective, tâtant dans sa poche la crosse de son pistolet automatique, s'engagea dans un assez large sentier qui serpentait entre les arbres. Presque aussitôt, il entendit un petit rire. Il se retourna, mais ne vit personne. Il continua à avancer et brusquement déboucha devant une clairière presque entièrement occupée par une grande maison de bois entourée d'une véranda, et à peu de distance de laquelle était érigé un hangar composé d'un toit de chaume soutenu par des troncs de cocotiers à peine écorcés. Sous ce rudimentaire abri, un amas d'amandes de coco achevait de sécher en répandant une odeur fade et écœurante, le copra. Sous la véranda, un homme de race blanche, vêtu d'un costume de toile kaki, pieds nus, un casque de liège cabossé sur la tête, était assis devant une table, seul, le coude posé sur un livre placé devant lui. Le crissement du sable sous les souliers du détective lui fit lever la tête. Jack Cavendish le regarda. Un homme qui paraissait entre 40 et 45 ans, de taille moyenne, maigre, osseux, dont le visage, comme craquelé par les rides, s'éclairait de deux petits yeux d'un bleu pâle. Jack Cavendish, qui avait en tête le signalement précis et détaillé du docteur Richardson, pensa que rien ne s'opposait à ce que l'inconnu fût celui qu'il recherchait. Taille moyenne, yeux bleus, il fallait voir. D'ailleurs, le docteur Richardson était remarquable par une verrue poussée sur sa joue droite. Le détective continua à avancer. Il ne fut plus bientôt qu'à quelques pas de la véranda. L'inconnu qui s'était levé le regardait sans mot dire. « Mr. Cournell, please ?» demanda enfin Jack Cavendish. « C'est moi, » répondit l'inconnu tranquillement. Ayant lancé un regard interrogateur à son visiteur, il attendit. Jack Cavendish lui lança un rapide regard, un regard professionnel. Ce Mr. Cournell, en vérité, pouvait très bien être le docteur Richardson, mais de verrue point. Seulement, sa joue droite était traversée par une longue et large cicatrice rose, juste à l'endroit occupé par la verrue sur la face du docteur. Et Mr. Cournell, c'était à considérer, avait parlé avec un indubitable accent américain. « C'est certainement lui, » pensa Jack Cavendish, qui reprit. « Mr. Matthew Cournell, n'est-ce pas ?»« Non, Matthew Cournell, mon cousin, est reparti pour Frisco le mois dernier à bord du schooner Seagirl qui m'avait amené. » Matthew Cournell, qui est mon cousin, m'a cédé son affaire. Je le remplace. Je suis Louis Cournell pour vous servir, quoique je dois vous dire que cette année, toute la récolte du copra de l'atoll est déjà vendue par mon prédécesseur. Je ne suis pas venu pour acheter du copra, observa Jack Cavendish, qui avait continué à marcher et n'était plus qu'à 2 mètres du plancher de la véranda où se tenait Louis Cournell. Ah ! Fit ce dernier d'un ton interrogateur. Je suis venu pour appréhender le docteur Richardson que j'ai des raisons sérieuses de savoir dans cet îlot, acheva le détective en regardant en face le trader. Celui-ci ne s'émut pas. Le docteur Richardson, dit-il. Quel docteur Richardson? Le docteur Richardson de Suva qui a empoisonné le chinois à fou. Je suis le brigadier détective Jack Cavendish et j'ai sur moi un varan pour me saisir de lui. Si Louis Cournell était le docteur Richardson, il possédait une formidable dose de toupet et de cynisme, car, sans se départir de sa politesse glaciale, il répondit. « Si vous êtes vraiment certain que ce docteur Richardson est dans l'atoll, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y soit pas. Je vais mettre quelques canaques à votre disposition et vous fouillerez l'îlot. Il n'est pas grand. En vous hâtant, vous pourriez en avoir fait le tour avant la nuit. Mais je vous avoue que je n'ai pas entendu parler de ce gentleman. » Un gentleman qui avait un grain de beauté sur la joue droite, juste à l'endroit où vous avez une cicatrice, Mr. Cournell, remarqua le détective. Ah, c'est en effet une étrange coïncidence. J'ai été blessé, il y a 2 mois, par l'éclatement d'une bouteille de soda. La chaleur, vous comprenez. Si vous croyez que je suis le docteur Richardson, ne vous gênez pas de le dire. Je possède mes papiers en règle, et vous les montrerai volontiers. Pour le surplus, vous pouvez fouiller l'atoll. Ainsi que je viens de vous le proposer. » Jack Cavendish, pendant 2 ou 3 secondes, ne répondit pas. Il était indécis, interloqué, troublé. Le calme de Louis Cournell lui en imposait, quoi qu'il en eût. Et celui-ci, ayant retiré son casque pour éponger la sueur qui coulait de son front, Cavendish vit que ses cheveux étaient noirs, d'un noir franc et luisant. Rien de la chevelure blonde du docteur Richardson. Il est vrai qu'il pouvait s'être teint les cheveux. Voulez-vous me faire voir vos titres de propriété de l'atoll ? Dit-il enfin. Venez, fit Cournel indifférent. Jack Cavendish, sans mot dire, gravit les quelques marches de bois qui permettaient l'accès de la véranda. Il traversa celle-ci, et derrière Cournel pénétra dans la vaste pièce qui occupait tout l'intérieur de la case. Une demi-obscurité y régnait. Jack Cavendish vit le hamac où dormait le trader, une table, quelques escabeaux de bambou, des crochets de bois où étaient suspendus des engins de pêche et de chasse, et enfin deux coffres en bois de camphre à coins de cuivre posés sur des bols de poterie remplis d'eau afin de les préserver, eux et leur contenu, des fourmis et autres insectes rongeurs. Louis Cournel ouvrit le plus petit. La serrure fonctionna en faisant tinter un timbre grêle. Cournel, le couvercle soulevé, se pencha vers l'intérieur de la boîte et en retira un tube de fer blanc qu'il ouvrit. Il contenait des papiers roulés. « Voici, fit le trader, la copie de mes lettres et les lettres de mon cousin Mathieu qui ont abouti à la négociation. J'étais à Frisco. Et voici un extrait de l'acte de vente passé à Frisco chez Maître Gershwin. Prenez connaissance. » En silence, Jack Cavendish saisit les papiers qui lui étaient tendus. La clarté du soleil couchant qui s'engouffrait par l'ouverture servant de porte était suffisante pour qu'il pût lire. Il se rendit compte d'un coup d'œil que les documents qui lui étaient soumis étaient en règle. « C'est bien, » dit-il en les rendant au trader. « Et vous n'avez pas entendu parler qu'un blanc ait débarqué dans l'atoll au cours des deux derniers mois ?»« À moins qu'il soit venu à la nage, je ne vois pas comment il aurait pu aborder. » »« Depuis le départ du Seagirl, aucun navire n'est venu à Ramirez. Et si mes Canaques avaient vu quelqu'un, il me l'aurait dit. » »« Ils sont une centaine, y compris les femmes et les enfants. » La récolte du copra est terminée depuis longtemps. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à pêcher et à bavarder, et ils ne s'en privent pas. Leurs cas sont de l'autre côté de l'atoll. Vous pouvez toujours les interroger. Jack Cavendish se sentit découragé. Le trader ne lui avait même pas offert un rafraîchissement, ainsi qu'il est d'usage envers tout visiteur dans les îles. L'homme se sentait vraiment sûr de lui. Et aussi bien, le détective, plus il y réfléchissait, plus il se convainquait que le docteur Richardson n'était pas dans l'atoll. Les renseignements sur la foi desquels il s'était embarqué l'avaient trompé. Il ne reposait d'ailleurs que sur des racontars. Et puis, Richardson pouvait très bien avoir abordé dans l'atoll et en être reparti. Peut-être sur cette Seagirl. À moins qu'il ne se trouvât plus simplement sur un autre atoll des hélices. De nombreux îlots portent des noms espagnols, Ramirez, Abranruez, Bermudez. La confusion était possible. Louis Cournel, qui avait remis ses papiers dans leur tube et le tube dans le coffre, referma doucement ce dernier dont la serrure tinta. « Puis-je autre chose pour vous, Mr. Cavendish ? » demanda-t-il toujours aussi calme. « Non, rien, » fit le détective, sa résolution prise. « Je vous demande de m'excuser de vous avoir dérangé. Il n'y a pas de quoi. » On s'ennuie dans les îles et toute distraction est la bienvenue, assura froidement Louis Cournel qui, très poli, reconduisit son visiteur jusqu'à l'escalier de la véranda et s'étant incliné le regarda s'éloigner. Jack Cavendish se dirigea vers l'embarcadère où il avait laissé la pinasse de la Harry. Il n'était pas content de lui. Au fur et à mesure qu'il cheminait, un regret le prenait. Il avait obscurément conscience d'avoir été berné. Tout lui prouvait que Louis Cournel n'était pas le docteur Richardson, et pourtant il se sentait persuadé que c'était lui. Oui, mais s'il arrêtait le trader et que celui-ci fût vraiment Cournel, comme le démontraient ses papiers, la carrière de Jack Cavendish n'irait pas plus loin. Ce serait la révocation et la misère. À son âge, quelle autre carrière entreprendre? Et il n'était pas déjà si aimé, aussi bien à Suva que dans tout l'archipel. Ayant rejoint le canot, il demanda à Taclo de l'accompagner. Taclow, qui occupait à bord de Larry les fonctions de bosson, de maître d'équipage, ne manquait ni d'astuce ni d'intelligence. Avec lui, Jack Cavendish s'enfuit au village des Canaques, situé de l'autre côté de l'atoll. Une vingtaine de misérables cases de roseaux, entre lesquelles les femmes pilaient des racines de taro ou écaillaient des poissons. Les hommes dormaient sous les cocotiers voisins. Péniblement, Jack Cavendish interrogea une dizaine de naturels, hommes et femmes. Il ne reçut que des réponses évasives, incertaines. Un blanc était venu sur la Seagirl. Ce blanc était resté à la place de Mr. Cournel. Et Mr. Cournel était reparti. Et il était venu aussi d'autres blancs sur la Seagirl. Ils avaient mangé et bu, et ils étaient repartis aussi. Impossible d'obtenir des précisions ou des signalements. Pour les pauvres Canaques, les Blancs se ressemblaient tous. Dégoûté, écœuré, Jack Cavendish rejoignit la pinasse, qui aussitôt bogua vers Larry, qu'elle accosta quelques instants avant la disparition du soleil. « Well, vous ne ramenez pas le médico ?» ricana Mathias Larsen, comme Jack Cavendish mettait le pied sur le pont. « Il n'est pas dans l'atoll. » « Nous pourrons appareiller lorsque vous le voudrez, capitaine, » répondit sèchement le détective. « Demain alors ?»« Car je veux profiter de notre escale pour faire un peu d'eau, » fit le skipper. « Ah, ces détectives, vous vouliez vous offrir une petite traversée dans les îles, aux frais de l'administration. Eh, hein, vous remontez dans mon estime, cop. » Jack Cavendish, exaspéré, lui tourna le dos. Le dîner, à la lueur des fanaux, fut plutôt maussade, en dépit des plaisanteries de Mathias Larsen. Celui-ci eut beau interroger le détective sur sa visite à terre. Il ne reçut pas de réponse, sinon, hein. Allez-y voir si ça vous intéresse. Finalement, tout le monde se coucha. Au petit jour, ainsi que de coutume lorsque le schooner était à l'ancre, tout l'équipage fut sur le pont. Pendant que les quatre matelots canaques descendaient dans la chaloupe, les barils destinés à être ramenés à terre et emplis d'eau douce, Gustav Larsen, en court caleçon de grosse toile, se livra aux joies de la pleine eau. Tandis qu'il s'ébattait autour de Larry, son père, pipe en bouche, entreprit une fois de plus Jack Cavendish, qui, attendant le déjeuner, s'était à son habitude installé sur le panneau de la cale et feuilletait pensivement son petit carnet de notes. « Hello, cop, on a bien dormi. Je parie que vous avez rêvé du docteur, hein? Avec des menottes et la barbe pas faite. Nous partons à 10 heures. Les vents sont bons en ce moment. Après-demain, nous serons à Anatoa, et dans 2 semaines au plus, nous mouillerons à ras de ce cher Suva. Vous pourrez dire que vous aurez fait le meilleur voyage de l'année, cop, et sans le moindre embêtement, car entre nous, le docteur vous aurait donné des... » Un hurlement rauque coupa la parole au skipper. Devenu subitement pâle, il bondit vers le bastingage sur lequel il se pencha. C'était Gustave, son fils, qui avait crié. Mathias Larsen le vit qui se débattait convulsivement au milieu d'un tourbillon d'écume comme un homme qui a perdu le contrôle de ses mouvements. Mais les deux canaques occupés à rimer dans la chaloupe les petits barils vides que leur amenaient leurs camarades avaient tout vu eux aussi. Avant que Larsen ait seulement le temps de prononcer un mot, le gigantesque Namori piqua une tête dans l'eau couleur d'opale où il disparut pour reparaître à toucher Gustav Larsen, lequel continue à barboter maladroitement comme un nageur qui va couler. Namori, d'un coup de poing à la nuque, l'étourdit, et l'empoignant comme un paquet, le jeta littéralement sur son dos et fonça vers l'échelle suspendue le long du schooner qu'il atteignit en quelques brasses. S'y accrochant, il en escalada lestement les degrés et, arrivé sur le pont, faillit se heurter à Mathias Larsen qui s'était jeté à sa rencontre. Tous deux étendirent sur le panneau de la cale le jeune homme sans connaissance et virent qu'un filet de sang coulait le long de son mollet gauche. Celui-ci était déjà enflé. Le sang suintait de 2 petits points noirs éloignés de moins d'un centimètre, autour desquels la peau, devenue dure et tendue, couleur jaune citron, était auréolée de violet. « Kaina, no good !» murmura Namori en se secouant comme un chien. « Go to hell, va au diable !» gronda Mathias Larsen. Il savait aussi bien que le canac que c'était le Kaina, la petite anguille du corail, dont la morsure est presque toujours mortelle. Seule l'amputation du membre peut sauver le patient lorsqu'elle est faite à temps. La face subitement durcie, le skipper bondit vers le gréement et de son couteau trancha l'extrémité de la grise de pavillon du grand mât. Revenant alors vers le blessé, il enroula la mince cordelette autour de son jarret, au-dessus de la piqûre, et se servant d'un cabillaud en guise de tourniquet, serra la drisse jusqu'à ce qu'elle se fût enfoncée dans les chairs qui bleuirent. Il arrêta le tout par 2 demi-clés bien serrées, et se redressant, lança la ronde un regard d'angoisse ardente, comme s'il eût espéré apercevoir quelque secours surnaturel. Il ne vit que Jack Cavendish, qui, debout à quelques pas, immobile, le regardait. « Vous croyez vraiment que le docteur Richardson n'est pas dans l'atoll ? » demanda-t-il d'une voix âpre. De la main, le détective esquissa un geste évasif. « Qui peut savoir ? » répondit-il seulement. Mathias Larsen lui jeta un regard méprisant, et tournant brusquement les talons, clama. « Taclo, Namori, à la pinasse, vite !» Sans même songer à prendre un couvre-chef, il était nu-tête, le skipper bondit vers la coupée. Il dédaigna d'emprunter l'échelle et sauta dans l'embarcation qui résonna sous le choc de ses pieds. Les deux canaques l'y rejoignirent aussitôt. Déjà, il avait largué la bosse qui retenait la pinasse. Celle-ci, sous l'impulsion vigoureuse des rameurs, glissa rapidement sur l'eau calme. Moins de 5 minutes plus tard, Mathias Larsen arrivait devant la maison de Louis Cournel, qu'il aperçut devant son hangar à Copra. En quelques foulées, il le rejoignit, et le saisissant par le revers de sa veste de toile, il souffla. « Docteur, vous allez venir avec moi. Mon fils a été piqué par une anguille. Il faut l'amputer. C'est une affaire de minutes. J'ai une trousse d'urgence à bord. Vite !» Louis Cournel, ou quel qu'il fût, possédait un sang-froid formidable. D'une secousse, il se dégagea. « Vous vous trompez, mister, » dit-il avec calme. « Je suis Louis Cournel, trader. Si c'est le détective qui vous a renseigné, il a commis une mauvaise action. « Pas de blague, no Sheninagan !» gronda Mathias Larsen en serrant convulsivement le bras du trader. « Vous êtes le docteur Richardson. Vous avez eu cet imbécile de détective, mais moi je vous connais. Je vous ai vu à Suva, au Sporting Club, et à la Pacific Copra Association. Venez. Mon fils est en train de mourir. Vous comprenez? En train de mourir. Peut-être qu'il est trop tard déjà. » Louis Cournel avait légèrement pincé les lèvres. « Lâchez-moi, » dit-il sans perdre son calme. « Je vous ai dit que vous vous trompiez, je vous le répète. Croyez bien que je regrette infiniment de n'être pas l'homme que vous croyez. » Mathias Larsen grinça des dents. Ses yeux lancèrent des flammes. « Si, vous êtes le docteur Richardson, je pourrais... »« Non, venez, ayez confiance en moi. Ma parole d'homme que vous pourrez retourner ici, je vous la donne. La parole de Mathias Larsen. Vous savez ce qu'elle vaut. Quant au maudit détective, je m'en charge. Vous comprenez, sabez. » « Venez, mon fils va mourir, Doc. Vous n'allez pas le laisser crever comme un chien. Mon fils, venez !» Louis Cournel était toujours si calme, mais il dit « Je vous répète que je ne suis pas celui que vous croyez, capitaine. Mais j'ai fait quelques études médicales et peut-être... Enfin, je vais essayer d'opérer votre fils. Vous avez ce qu'il faut ?»« Oui, tout. On se dérouillera. L'essentiel est de faire vite. Venez !» cria le skipper de Larry en entraînant Cournel. « Je viens !» Tous deux, en quelques rapides foulées, furent sur la plage, ils s'embarquèrent. Lorsqu'ils mirent le pied sur Larry, Gustave Larsen était toujours étendu sur le panneau de la cale. Sa jambe tout entière, depuis les doigts de pied jusqu'à la ligature confectionnée par son père, avait enflé et s'était marbrée de vert et de violet. « Nous allons opérer ici, » fit Louis Cournel après un rapide examen du blessé, qui n'avait pas repris connaissance. « Capitaine, vous apporterez un drap propre. Faites bouillir de l'eau. Il me faudra deux aides, vous et ce gentleman. » Et de son bras étendu, il désigna Jack Cavendish, qui, debout à quelques pas, l'observait d'un air songeur. À partir de ce moment, Louis Cournel, ou quel qu'il fût, ne s'occupa plus que du blessé. Sur ses ordres, donné d'une voix calme, égale, un drap propre fut étendu sur le panneau de la cale. Gustave Larsen y fut étendu. Larry, conformément au règlement du Board of Trade, avait à son bord une boîte de chirurgie d'urgence. Louis Cournel fit passer tous les instruments à l'eau bouillante, il se lava les mains. Et tandis que les quatre matelots canaques, groupés autour du patient, le maintenaient solidement, l'énigmatique personnage, debout auprès de la jambe blessée qui pendait le long de l'îloir de la cale, campé sur sa jambe droite, les pieds d'équerre et les jarrets pliés, dans la position classique du chirurgien, traça rapidement, d'une main qui ne tremblait pas, la ligne d'incision. Armé du couteau, il sectionna la peau sans faire de bavure. Sur son ordre, Jack Cavendish, debout à son côté, rétracta alors les chairs à l'aide d'instruments appropriés, afin qu'il pût trancher plus facilement les muscles. L'os fut dénudé, la scie l'attaqua. À ce moment, Gustave Larsen, reprenant ses sens, poussa un hurlement d'atroce douleur. Il voulut se redresser, mais les quatre robustes canaques, dûment stylés, le maintinrent. Cournel, impassible, pinça l'artère fémorale, puis la ligatura avec un fil de soie préparé d'avance. Les sutures furent faites, et enfin, Cournel pratiqua le pansement, sans entendre les hurlements de l'opéré. « Tout va bien, » dit-il après que Gustave Larsen eût été descendu dans son lit dans sa petite cabine. « Grâce à la ligature que vous avez opérée, capitaine, le venin ne s'est pas répandu dans l'organisme, ou du moins en petite quantité. » Je pense que d'ici une semaine, votre fils sera hors de danger. Je demeurerai à bord pendant ce temps. Une hémorragie peut toujours se produire. Je vous remercie, docteur. Je suis prêt à payer ce que vous me direz, s'écria Mathias Larsen. Rien du tout, je ne suis pas chirurgien. J'ai fait de mon mieux, en me rappelant mes études. D'ailleurs, l'opération était d'une simplicité extrême. Aucun autre mot ne fut échangé. Que pensait Jack Cavendish? Il ne le dit pas. Une heure plus tard, Mathias Larsen, Cavendish et le mécanicien Delary déjeunèrent en compagnie sans que fût prononcé le nom du docteur Dan Richardson. De temps à autre, Jack Cavendish regardait Cournel à la dérobée. Une semaine passa, pendant laquelle Louis Cournel ne quitta pour ainsi dire pas Larry. Jack Cavendish ne disait toujours rien. Un matin enfin, Louis Cournel enleva les drains et les sutures qui maintenaient la plaie de l'opéré, lequel était déjà en convalescence, et confectionna un pansement léger et sec. « Tout va bien, » dit-il au skipper qui assiste à l'opération. « Le malade ne court plus aucun danger. » « Je m'en vais donc vous quitter, capitaine. Très heureux d'avoir pu vous être utile. »« Et je vais vous raccompagner à terre, » fit Mathias Larsen. Tous deux montèrent sur le pont et rejoignirent Cavendish, assis sur le panneau comme à son habitude. « Mr. Cournel s'en va. Voulez-vous lui dire au revoir, Mr. Cavendish ?» fit Larsen, sérieux. Le détective s'était levé. « J'en regrette, » dit-il. « Mr. Cournel, je ne le connais pas. Je connais le docteur Dan Richardson que je suis chargé d'arrêter. Au nom de Sa Majesté le roi d'Angleterre, Dan Richardson, je vous arrête. Veuillez me laisser vous passer les menottes ainsi que l'exige le règlement. » Louis Cournel s'était reculé d'un pas. « Boche ! » Des blagues. Intervint riant Mathias Larsen en se plaçant entre les deux hommes. « Vous plaisantez, cop ! Allons, pas de blagues. Serrez la main à Mr. Cournel et ne nous retardez pas. » « Sommes restés assez longtemps dans ce maudit atoll. »« Je ne plaisante pas du tout, capitaine, et je dois vous avertir que si vous aidiez l'inculpé ici présent à entrer en rébellion contre la loi, votre responsabilité serait fortement engagée. Le Riot Act prévoit. »« J'ai dit pas de blague, cop, et ça suffit. »« Qui est le maître à bord? Moi ?»« Well, allez vous cacher dans votre cabine, que je ne vous vois plus, ou je vous colle au fer, moi-même. » Jack Cavendish pinça ses lèvres minces. « C'était à prévoir. Vous saurez ce que cela vous coûtera, capitaine, » dit-il en s'écartant avec dignité. « Venez, Mr. Cournel, » conclut le skipper qui ajouta, dès qu'il fut dans la pinasse avec le sauveur de son fils. « Et ne craignez rien. Le cop ne fera rien contre vous. Mathias Larsen vous le dit. »« J'ai confiance en vous, capitaine, » répondit le trader avec simplicité. À 10 heures du matin, comme l'avait dit Mathias Larsen, Larry, poussé par son diesel, franchit la passe faisant communiquer le lagon de Ramirez avec la haute mer. « On va avoir un fameux temps jusqu'à Onatoa, cop, » fit Larsen au détective, la manœuvre terminée. « Je n'en sais rien, mais je sais que je vais vous faire envoyer au pénitencier, capitaine, » riposta Cavendish sèchement. « Vous êtes rudement sûr de vous, » remarqua le skipper, sans s'émouvoir autrement. Il s'éloigna sur ces mots, les seuls qu'il devait adresser aux policiers ce jour-là. Le lendemain matin, Jack Cavendish, lorsqu'il voulut, ainsi qu'il le faisait chaque jour, s'asseoir sur le panneau de la cale, trouva sa place occupée par l'ours Caïboti qui séchait. Il dut s'installer un peu plus loin. Peu après, Mathias Larsen s'enfuit sur le gaillard, où il s'assura que les ancres étaient bien saisies. En revenant vers l'arrière, il s'arrêta, leva la tête vers l'écoute de la voile d'étai et sembla se livrer à un rapide calcul mental. Se pencha alors vers le taquet où était amarrée l'écoute. Il desserra légèrement celle-ci et s'en revint vers l'arrière où il s'assit, pipe en bouche, sur le couronnement. Une minute ne s'était pas écoulée qu'une risée secoua violemment la voile d'étai. L'écoute se tendit en claquant, son amarrage desserré céda, la corde glissa en sifflant autour du taquet. La voile n'étant plus retenue, battit avec force, entraînant la poulie accrochée à son angle inférieur, laquelle poulie décrivit une foudroyante trajectoire. Sur le parcours de cette trajectoire se trouvait la tête de Jack Cavendish. Le détective, le crâne éclaté net, comme un œuf, tomba à la renverse sans même pousser un cri. Dans la soirée, Mathias Larsen, avant de prendre le quart, traça ces mots de sa grosse écriture sur le journal de bord. « Ce matin, vers 6 heures, la poulie d'écoute de la voile d'étai, mal amarrée, atteint à la tête Mr. Jack Cavendish, notre passager, qui était tué sur le coup. » Nous l'avons immergé à 4 heures le même jour avec le cérémonial d'usage. Conformément à la loi, j'ai placé ses bagages sous scellés. Ainsi s'achève L'homme de l'atoll par José Moselli.